your head. It's raining outside, don't get upset. Don't smoke purple cigarettes. They make you so sad, gonna make you feel bad. Mr. Frog drinks orange juice and eats a lot of healthy fruits. Time is going by so fast and he can't get enough. Parler français. Bonsoir messieurs, grenouillés. Je ne peux pas parler français. Mr. Frog has a yellow car. He drives too fast and drives too far. Mr. Frog likes apple tea. Bonsoir monsieur, grenouillet. Je ne peux pas parler français. J'aimerais acheter un chapeau. Je ne peux pas parler français.